Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Voici le sommaire. La gestion des commerçants transfrontaliers plaide pour la disponibilité des devises pour faire face à la montée de certains produits. Vous entendrez le porte-parole de cette association dans ce journal. Et après 2 ans de difficultés de traversée sur la rivière Ndurumu, les habitants de la province Makamba poussent un ouf de soulagement. C'est suite aux travaux de réhabilitation de ce pont. Vous en avez l'habitude tous les dimanches. Vous avez droit à la chronique nutrition au menu. On va parler des vertus du piment. Voilà pour le sommaire de cette édition qui est mise en onde par Innocent Ibonimana. À la présentation, vous retrouvez Moïse Misago. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, l'association des transports des commerçants transfrontaliers trouve que la montée des prix de certains produits qui s'observent aujourd'hui est due au manque de devises et la pandémie de COVID-19 qui sévit dans le monde. Polycarpe Koubgaio, porte-parole de cette association, affirme que pour servir les devises, l'État privilégie l'importation des médicaments. Il demande au gouvernement d'agrandir les stocks de devises et de rouvrir les frontières terrestres afin que les prix baissent. On l'écoute, il est traduit en français par Elinibel Nibigira. Ikintu gituma cyane cyane ibiciro biduga ku isoko yo mu Burundi nuko ubwa mbere. La cause principale de flamber des prix sur le marché burundais, c'est d'abord l'insuffisance de devises. En cas de manque de devises, on les trouve difficilement et s'échangent très cher. Par exemple, à cette période de réouverture des frontières aériennes, cela a permis la reprise des activités pour les importateurs en grand nombre et se mettent à la recherche des devises. Quand les devises sont cherchées en grand nombre, alors qu'elles sont déjà rares sur le marché et les se raréfient davantage. Mais aussi, le gouvernement privilégie les importateurs de médicaments car maintenant, il n'y a visiblement pas de devises pour servir tous les importateurs. À l'extérieur, il y a des marchandises qu'on trouve et d'autres non, parce que beaucoup de pays exportateurs de pas mal de marchandises n'exportent plus suite à la COVID-19. On ne trouve pas surtout la matière première suite à cette pandémie. Prenez par exemple la Bousseco. Des camions qui apportaient de la matière première en provenance de l'Afrique du Sud ne viennent plus. Mais il y a aussi des spéculations de la part des commerçants qui élèvent les prix suite à une crise. Ce sont ces commerçants qui ont besoin de conseils. Ils devraient essayer de ne pas gâcher la vie de leurs compatriotes à travers des spéculations sur les prix. Il y a des prix qui ont grimpé suite à la rareté des devises. Nous demandons avec insistance au gouvernement de rendre disponibles les devises à apporter sur le marché extérieur pour le bien des citoyens en général et des commerçants en particulier. Et il faut que le gouvernement suive de près beaucoup de commerçants spéculateurs dans la montée des prix. En plus, il faut que les frontières terrestres soient réouvertes. Et les usagers de la route reliant les provinces Makamba et Bururi saluent les travaux de réhabilitation du pont Ndurumu après deux ans d'écroulement de ce pont. Les élèves qui traversent cette rivière pour aller à l'école déplorent le fait qu'ils s'absentaient ou arrivaient tardivement à l'école quand il pleut. Les détails avec Jérôme Hakizimana. Pendant une période d'à peu près 2 ans que ce pont d'Ndurumu situé sur la route reliant la province Makamba et Bururi était totalement écroulé, plus d'une personne de cette localité se disent touchées d'une manière ou d'une autre par les conséquences de sa destruction. Traversant la même rivière Ndurumu pour regagner leur famille ou aller à l'école, certains élèves contactés nous ont fait savoir que des fois, surtout quand il a beaucoup plu, s'absentaient à l'école et consécutivement s'était vu sanctionné suite aux absences et retards enregistrés à l'école. Ils disent néanmoins que ces jours-ci, ils poussent un ouf de soulagement. La même situation chez la population du centre de Murengue qui déplore toutefois l'enregistrement des cas de pertes humaines comptés au moins à 4. Les personnes noyées suite à l'absence d'un moyen de transport adéquat pour la traversée de cette rivière En ayant toute cette période, le sentiment de satisfaction vis-à-vis de la réhabilitation du pont d'Urumu est également témoigné par les conducteurs des moteurs éminérés. Ces derniers précisent qu'arrivés au bord de cette rivière, ils éprouvaient d'énormes difficultés à franchir l'autre rive, sans oublier le paiement des frais régulièrement dispensés aux portefeuilles qui les aidaient à franchir la rivière par le moyen de transport au dos. Les agriculteurs de leur côté affirment ne pas être épargnés et étant donné, selon toujours eux, que les plus importants marchés d'écoulement de leurs produits ne sont que les marchés centraux de Makamba et Bururi. Toute cette population indique qu'elle salue chaleureusement cette initiative de la réhabilitation de ce pont, bien que n'ayant encore pris fin. Ces activités qui consistent à la réhabilitation du pont d'Urumu sont exécutées par l'État via l'entreprise EICK, ce missionnaire ayant gagné selon l'administration communale Makamba. Jérôme Akizimana, au pont d'Urumu, en commune Makamba, Radio Isanganiro. Éducation à présent, les élèves du lycée communal de Mubira en commune Butezi de la province Ruyigi n'aiment pas la section scientifique que possède cet établissement scolaire. Ces derniers préfèrent fréquenter les établissements des environs de la province de Gitega qui possèdent des sections de leur préférence. Le directeur provincial de l'éducation de Ruyigi, Sylvestre Nyonzima, promet d'ouvrir d'autres sections s'il trouve des enseignants. On l'écoute. Le lycée communal Mubira se trouve dans la commune de Butezi, exactement dans la zone Mubira, et c'est une zone qui est frontalière avec la commune de Gitega. Et je vous dirais que c'est une école qui a une seule section, la section science. Et lorsqu'il est question d'orienter les élèves qui terminent la 9e année, nous orientons ces élèves-là dans l'unique section pour gérer la distance qui relie les ménages à l'école. Et c'est pour vous dire que certains enfants se sentent incapables de poursuivre les cours de la section et sont obligés d'aller chercher des places dans d'autres écoles ayant des sections qu'ils peuvent fréquenter. Que comptez-vous faire pour trouver solution à ce problème? Comme le problème est déjà connu, lorsque nous aurons des enseignants, nous comptons ouvrir d'autres sections pour pouvoir stabiliser ces élèves-là. Ce responsable scolaire se réjouit de la place qu'occupe la province scolaire de Ruyigi dans le classement des examens nationaux. Sylvestre Nyonzima dit qu'il est à l'œuvre pour avancer de place dans les années à venir. On l'écoute encore une fois, il est le directeur provincial de Ruyigi. Et je vous dirais que la situation de l'éducation ici en province de Ruyigi se porte très bien parce que au niveau des examens nationaux, et au niveau du concours national, nous varions entre la 3e place et la 5e place. Et au niveau de l'examen d'État, pour cette année, nous avons occupé la 6e place. Je vous dis que les enseignants et tous les autres partenaires éducatifs sont à l'œuvre pour pouvoir améliorer le rendement et par conséquent avancer en termes de place ou maintenir la place que nous avons. Mais je vous dirais que toutes les provinces sont en compétition. Aujourd'hui, on peut dévancer une province, l'année prochaine, la situation se présente autrement. Mais je vous dirais que, d'une manière générale, les enseignants de la province de Ruyigi sont au travail. Et 6 personnes qui étaient bloquées à l'hôpital du Saint-Quentin de Karoussi pour manque de frais de soins et d'hospitalisation après leur guérison ont regagné leurs familles respectives depuis ce vendredi. C'est après un paiement d'environ 4 millions de francs bous ce week-end par l'Association des commerçants de cette province. Le directeur administratif et financier de cet hôpital signale qu'aucune personne restait emprisonnée dans cet hôpital. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le piment est un aliment riche en vitamines A et B6 et d'autres éléments nutritionnels pouvant aider la prévention de certains cancers, notamment le cancer colorectal et d'autres. Comme l'explique Jean-Paul Ouineza, chercheur nutritionniste, les enfants de moins de 2 ans ne sont pas autorisés d'en consommer car il peut causer des effets néfastes sur la santé. La chronique nutrition de ce dimanche avec Jean-Marie Mayonga. Le pima est une plante potagère qui a son origine de l'Amérique centrale et du sud. Il contient divers éléments nutritifs à des quantités variables, comme l'explique le nutritionniste Jean-Paul Ouineza. On peut signaler que le pima ne contient pas assez de protéines et aussi assez de lipides, mais il contient en quantité significative de vitamines, surtout la vitamine C, et vitamine du groupe B, surtout vitamine B6 et aussi vitamine K et la vitamine E. Et le piment, c'est une grande source de fer et aussi de cuivre, magnésium, manganèse. Et aussi, le piment favorise la perte du poids grâce à son effet qui coupe faim. Le piment améliore la digestion. Et les piments contiennent également d'autres éléments non nutritifs, mais qui peuvent être protecteurs et aussi nous soigner certaines maladies. Les chercheurs américains ont découvert que la capsaïcine joue un rôle d'obliger les graisses car elle transforme les cellules adipèses en cuillères blanches responsables à augmenter le poids et aussi à augmenter le cholestérol LDL. Le piment contient aussi de la vitamine A, vitamine B6, vitamine C, vitamine E et K. Il existe deux grandes familles de piments sous forme de poivrons et de piments forts. Leur action est bénéfique pour la peau, système immunitaire, la fatigue et voies urinaires. Le piment aussi peut se distinguer par leurs couleurs. Il y a des piments de couleur verte, il y a des piments de couleur jaune, il y a des piments de couleur orange et des piments de couleur rouge, des piments de couleur brune et aussi de couleur pêche et les piments de couleur violet. Le piment n'est pas autorisé pour les enfants de moins de 2 ans. Toute personne doit éviter d'en consommer à forte dose car il peut augmenter les risques de cancer de l'estomac. Il faut en consommer en petite dose afin de pouvoir lutter certains effets néfastes qui peuvent être arrivés à notre santé, c'est-à-dire en consommant des piments en grande quantité. Parce que si on consomme le piment en forte dose, le piment peut nous occasionner des problèmes de l'estomac. On peut trouver aussi les risques de cancer, puisque l'estomac peut être irrité, peut être brûlé. Et aussi, tout le système digestif peut être endommagé. Là, nous pouvons quand même trouver nous pouvons avoir des problèmes qui peuvent nous occasionner, comme le cancer du type digestif, surtout le cancer de l'estomac, le cancer du côlon, ainsi de suite. Les piments en forte dose peuvent donner des syndromes de l'intestin irritable et aussi le piment est très mauvais pour les enfants d'au moins de 2 ans. Jean-Paul Ouineza signale que quelqu'un qui a consommé du piment, s'il sent de brûlure, il ne peut pas prendre directement de l'eau, mais plutôt il faut utiliser du lait ou utiliser l'huile d'olive. Merci Jean-Marie Mayonga et au nutritionniste chercheur Jean-Paul Ouineza. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis merci à Inosa Ibonimana pour sa parfaite collaboration technique. Au revoir. Isa.